travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. Altos Abus, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Avec nous en ligne, Samuel Gaillard. Vous êtes avocat en droit du travail pour le cabinet Gaillard Avocat. Bonjour Samuel Gaillard. Bonjour. Vous avez récemment publié un article au sujet des licenciements économiques déguisés. Pouvez-vous nous en dire plus et si la crise sanitaire a été un essor à ce type de licenciement ? Alors oui, on assiste très clairement à une augmentation, pour ne pas dire une explosion actuelle des licenciements économiques déguisés. Ce type de licenciement existait déjà depuis pas mal d'années. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux types de licenciements, soit un licenciement pour motif personnel, pour un motif inhérent à la personne du salarié, soit pour un motif économique, en raison de difficultés économiques, par exemple. Et ce qui a provoqué cette explosion, il y a eu deux. Le premier créneau, c'est le plafonnement des indemnités de licenciement par les ordonnances Macron de septembre 2017. Par exemple, un salarié qui a 2 ans d'ancienneté, auparavant, c'était 6 mois minimum, maintenant c'est 3 mois maximum. Donc on a créé les conditions de ces licenciements. Et bien évidemment, avec la crise économique, on assiste maintenant à une explosion. Pourquoi ? Parce que pour un licenciement économique, l'employeur se retrouve avec différentes contraintes, telles que par exemple l'obligation de procéder à des critères de licenciement, la priorité de réembauchage, voire même pour les PME, le coût engendré par une convention de sécurisation professionnelle, qui n'existe pas dans un licenciement pour motif personnel. Alors, un employeur se dit que je fasse un licenciement pour motif économique ou un licenciement pour motif personnel, de toute manière, le maximum est le même, donc je vais privilégier la voie du licenciement pour motif personnel. Je sais que je vais être condamné, mais après tout, 2 mois, 1 mois ou 2 mois pour les salariés qui ont de faible ancienneté, de toute façon, ça ne vaut pas la peine de saisir le conseil des prud'hommes et j'utilise la voie du licenciement pour motif personnel plutôt que le motif économique. Voilà, et ce que j'indique dans l'article que j'ai écrit, c'est qu'il s'agit là, d'un point de vue juridique, d'une fraude à la loi qui devrait normalement faire l'objet d'une sanction particulière qui devrait, pour que la sanction soit réelle, permettre d'aboutir à un dépassement des limites prévues par le Code du travail. Vous pourriez nous donner quelques exemples concrets de ce genre de situation ? Alors oui, j'ai 2 exemples. Enfin, j'ai un exemple que l'on retrouve qui est vraiment un grand classique. C'est celui de la mise en œuvre d'une clause de mobilité. Par exemple, actuellement, j'ai un dossier pour un salarié qui travaille dans une entreprise qui a de très très fortes difficultés économiques et qui actionne dans tous les sens des clauses de mobilité auprès de plusieurs salariés en leur demandant d'aller travailler sur Strasbourg alors qu'ils sont situés, ils travaillent actuellement sur Paris, Bordeaux, Marseille. Voilà, donc ça c'est l'exemple typique. Alors on sait très bien que l'entreprise a des difficultés, on sait très bien qu'en fait ces salariés ne seront pas licenciés, mais on va actionner une clause de mobilité pour essayer de les licencier pour faux grave et même cette fois-ci sur un motif donc personnel, pour éviter d'avoir à passer par un licenciement pour motif économique. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, qui est plus un mode qui se développe en ce moment, c'est les mises à pied conservatoires, où subitement, on va chercher le salarié pour éviter pour lui interdire de se défendre. On va lui couper tous ses accès, lui dire de rentrer chez lui, faire une mise à pied conservatoire. Et puis, à l'issue de la procédure de licenciement, lui dire que, bon, finalement, on a réfléchi, il va être licencié pour faute simple, ce qui, du coup, prive le salarié de tous ses moyens de défense, puisqu'il n'a plus accès à ses mails pour se défendre. Et en cette période, est-ce qu'il y a encore des cas de rupture à l'initiative du salarié ? C'est extrêmement rare en ce moment, puisqu'on est dans une période de flou. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la problématique des risques psychosociaux a été notamment engendré et alimenté par la crainte de perdre son emploi. Il est évident que si vous savez que vous allez retrouver un emploi à l'extérieur, c'est plus facile quand même de quitter un employeur maltraitant. Là, avec la crise du Covid, je sens très nettement une réticence, voire même des retours en arrière de salariés qui, par exemple, j'ai un exemple la semaine dernière, une salariée qui me dit « je vais prendre rendez-vous avec vous car je suis victime de harcèlement et je veux partir, j'ai un nouveau projet voilà, à mettre en place » et qui arrive quelques jours plus tard au rendez-vous et qui me dit bah, « finalement, ce projet ne s'est pas fait et donc je préfère rester, prendre une solution prudente, quitte à courber des chines jusqu'à ce que la situation soit un peu plus clarifiée. » Et donc très clairement, l'incertitude actuelle change un peu la donne.